Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons parler de Dieu, ou plus précisément de la nécessaire insoumission chrétienne face aux nouvelles théologies. Antoine Martin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure de Lyon et agrégé de lettres classiques. Alors, l'École normale supérieure de Lyon. École normale supérieure de Lyon, pardon. Vous enseignez actuellement le latin, le grec et le français dans un lycée public. Oui. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage publié aux éditions Contre-Culture intitulé « Le chant dans la fournaise ». C'est de ce livre dont nous allons parler aujourd'hui. Chers auditeurs, comme presque chaque semaine, je suis accompagné de Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Alors Antoine Martin, ma première question. Pourquoi le chant dans la fournaise ? Alors le chant dans la fournaise, ça fait référence à un épisode de la Bible, du livre de Daniel plus exactement, où on a le roi Nabucodonosor qui s'est construit une grande statue qui est très vraisemblablement une statue à son effigie, et qui demande à l'ensemble de son peuple, l'ensemble de son royaume, d'adorer cette statue. Sauf qu'il a parmi ses pages trois personnages qui sont des Hébreux, qui refusent de se livrer donc, à cette adoration de la statue, tout simplement par fidélité à leur dieu à eux. Et Nabucodonosor, très mécontent, décide de jeter dans une grande fournaise de feu ces trois pages qui ont désobéi. Et à ce moment-là, il se passe un miracle, c'est-à-dire que dans la fournaise de feu, ils sont préservés de la mort et du coup, ils entonnent plus exactement un cantique de louange au vrai Dieu, justement. Alors, le premier niveau de lecture de ce cantique, c'est que c'est un cantique de louange au vrai Dieu, comme je viens de le dire. Le deuxième niveau, c'est que, évidemment, Nabucodonosor est là pour entendre tout ça. Donc, chaque fois qu'une louange est adressée au vrai Dieu, c'est une manière aussi de dire au roi de Babylone, le vrai Dieu, ce n'est pas toi. Et donc là, par cette anecdote que vous mentionnez dans votre livre, on entre tout de suite au cœur du sujet, oui, qui est de la nécessaire insoumission des chrétiens face aux nouvelles théologies. Qu'est-ce que vous entendez par nouvelles théologies ? Alors, ces théologies sont à la fois nouvelles dans le sens où elles connaissent actuellement un regain d'intérêt, c'est-à-dire que c'est devenu, dans notre société contemporaine, l'air qu'on respire, mais ces théologies, en fait, sont très anciennes puisqu'elles datent tout simplement du péché originel, c'est-à-dire de nos premiers parents, Adam et Ève. Je rappelle que au jour de la création, Dieu place Adam et Ève dans le paradis terrestre en leur disant: vous pouvez goûter à tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez pas. Là-dessus arrive le serpent qui embobine Ève et qui lui dit: mais si, goûtez au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Phrase capitale. Ève cède, elle mange du fruit, elle en fait manger Adam, et c'est ce qu'on appelle le péché originel. Et depuis, on a donc un certain nombre de désagréments, c'est-à-dire la mort, la souffrance, qui sont rentrés dans le monde parce que l'homme a désobéi à Dieu. Donc, c'est une théologie très ancienne et en même temps, elle connaît actuellement, donc, comme je le disais, un regain d'intérêt dans le sens où elle est passée dans les institutions. C'est la spiritualité ambiante de notre société qui prétend ne plus avoir de spiritualité. Xavier ? Oui, vous commencez votre livre par une énumération d'actes ou d'œuvres d'art, prétendues œuvres d'art, souvent qualifiées de christianophobes, comme la pièce qui s'était jouée au théâtre du Rond-Point, Golgotha Picnic, l'exposition Pis Christ, et vous expliquez comment, de façon paradoxale, ces éléments font partie du message du Christ, sont une partie intégrante du message du Christ. Est-ce que vous pouvez détailler cet aspect de la question? Alors, ce n'est pas exactement que ces œuvres d'art en tant que telles fassent partie du message du Christ. Disons que ces œuvres d'art, moi personnellement, je les considère comme blasphématoires. Mais après, disons qu'elles rejoignent la structure même du salut que Dieu a voulu pour nous. C'est-à-dire que Dieu s'est fait homme pour nous sauver en Jésus-Christ. Mais pour nous sauver, il a pris un chemin bien particulier, c'est-à-dire qu'il a choisi de se faire gifler, de se faire cracher dessus et pour finir de se faire crucifier. Et ce que je disais donc dans ce premier chapitre, c'est que d'une certaine manière, ces œuvres d'art se condamnent tout simplement à réitérer ce qui a déjà été fait lors de la Passion. Disons qu'elles sont bloquées dans quelque chose qui les dépasse totalement, qui est que le Christ inverse la force qui est contre lui, la force de mal qui est dirigée contre lui, et il en fait ce qui sauve les hommes. Et d'une certaine manière, oui, ces œuvres d'art, du coup, ne se condamnent à redire ce mystère du salut, mais malgré elles. Et n'ont connu un retentissement que parce qu'elles étaient arc-boutées contre le message du Christ, le validant par la même. Effectivement. Et puis d'ailleurs, je pense qu'effectivement, cette pièce Golgotha Picnic, personne n'en aurait entendu parler si elle n'avait pas été blasphématoire. Donc elle est, d'une certaine manière aussi, là, à la remorque du christianisme. Mais vous-même, vous le disiez tout à l'heure, en répondant à la question de Xavier, vous condamnez ces œuvres blasphématoires. Et donc, vous critiquez par là, en quelque sorte, l'attitude des chrétiens qui consiste à tendre l'autre joue systématiquement. Et vous appelez dans votre livre, et c'est la trame de votre livre, à un réveil justement de la communauté chrétienne. Alors, je ne condamne pas les chrétiens qui tendent l'autre joue, mais quand le Christ demande de tendre l'autre joue, il demande de tendre sa joue à soi. Justement, il demande de tendre l'autre joue et non pas la joue de l'autre. Parce qu'il y a des gens qui sont très doués pour encourager à la douceur, tout ça, du moment qu'eux-mêmes ne prennent pas les coups. À partir du moment où ce n'est pas moi qui ai attaqué, mais le Christ, je pense que j'ai le devoir de défendre justement celui que je considère comme mon Seigneur. Et c'est ce que vous rappelez dès l'introduction de votre livre. Vous citez l'évangile selon saint Matthieu. « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » C'est quand même une phrase forte que vous mettez en évidence. Oui, tout à fait. Parce qu'on a tendance, c'est vrai... depuis maintenant quelques décennies, à considérer que le catholicisme, c'est une spiritualité de bisounours et à gommer tout un pan de l'évangile qui est très présent d'ailleurs dans l'évangile selon saint Matthieu. D'ailleurs, j'invite les auditeurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas, à visionner donc le film de Pasolini, l'évangile selon saint Matthieu, qui est très fidèle, qui reprend vraiment les paroles du Christ phrase après phrase. Et on prend une grande claque dans la figure parce qu'on s'aperçoit que le christianisme qu'on connaît habituellement, bah, ce n'est pas tout à fait ça. Et vous en appelez un retour du scepticisme des premiers chrétiens et rappelez aussi que la dimension subversive du catholicisme qui est aujourd'hui noyée dans le droit de l'homisme en quelque sorte. Oui, tout à fait. Il ne faut jamais oublier que les premiers chrétiens étaient considérés par l'empereur et par donc toute la cour, tous les hommes politiques de l'époque, ils étaient considérés comme des athées. C'est ce que nous dit notamment Justin dans son Apologie des chrétiens. Ça, on l'a totalement perdu de vue, tout simplement parce qu'on est passé par 2000 ans de christianisme régnant. Et il va peut-être falloir apprendre à redécouvrir cette dimension subversive qui était au cœur du premier christianisme. Alors, en parlant du caractère subversif de votre livre, vous abordez un sujet extrêmement sensible, c'est celui de la Shoah. Alors, vous dites que la Shoah est devenue, selon vous, une religion, avec ses fidèles, ses apôtres, ses blasphémateurs, son inquisition, un absolu indépassable de la souffrance humaine, en même temps qu'un nouveau paradigme, je vous cite. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bah, vous avez déjà dit pas mal de choses. Disons qu'effectivement, on a l'impression que la Shoah, c'est devenu le nouveau Golgotha. C'est-à-dire que, sauf que ce n'est pas un Golgotha qui sauve comme celui sur lequel est mort le Christ. C'est une espèce de dette contractée envers l'ensemble d'une population ad vitam aeternam, c'est-à-dire pour toujours. Et cette dette, il faudrait éternellement la payer, demander pardon. Donc c'est en cela que je parle de nouvelle religion, effectivement. Sans rédemption ni pardon possible. Sans rédemption ni rachat. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut tenter de se racheter en continuant à en demander pardon, en faisant le maximum, mais de toute façon, cette dette n'est pas rachetable. Et je pense que les tenants de cette religion considéreraient cela comme une insulte si on disait que cette souffrance est rachetable. Alors pour étayer vos propos, dans votre livre, vous citez Alain Besançon, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, académicien, qui dit, je cite, « La religion de la Shoah a vocation universelle. Elle est enseignée à toutes les nations. Elle a part tous ses musées. Elle fait désormais partie des programmes scolaires. Elle entre dans la religion des chrétiens, non seulement comme le souvenir d'un crime d'exception, mais parce qu'elle possède avec le christianisme une certaine parenté de structure. » Un innocent a été mis à mort, le Christ, le peuple juif. Tous les hommes, toutes les nations sont enveloppés dans ce péché par action, omission, négligence, abandon. Mais cette passion n'a pas la valeur d'une rédemption. Il n'y a ni résurrection ni pardon. Il ne reste plus qu'une dette qui ne peut être étreinte, une créance qui ne sera jamais payée. Demeure donc une mémoire, une vindication qui porte en elle le devoir d'être éternellement enseignée et rappelée. Oui, bah je crois que tout est dit en quelques lignes, qui sont en plus d'Alain Besançon, qui n'est pas n'importe qui. Oui, et d'ailleurs, la religion, cette religion de la Shoah dont parle Alain Besançon et le catholicisme sont deux sacrés, quelque part irréconciliables, et ce sont les tenants de la religion de la Shoah qui en ont décidé ainsi, avec une affaire qui remonte aux années 80-90, dont je pense que vous avez entendu parler, Antoine Martin, qui est l'affaire du Carmel d'Auschwitz. Donc c'était huit sœurs carmélites qui se sont installées en 1984 dans un bloc d'Auschwitz-Birkenau. Et cet événement avait déclenché une levée de boucliers des organisations juives. Donc elles avaient été attaquées, enfin il y avait eu des manifestations de militants sionistes, toutes sortes d'organisations comme le CRIF en avaient appelé au pape et avaient dénoncé justement une christianisation de la mémoire de la Shoah. Non, effectivement, je connaissais pas cette anecdote. Alors il y a un sujet qui est très intéressant que vous effleurez dans votre livre, c'est celui du transhumanisme. Alors nous, on en a parlé à ERTV, on a même couvert la première manifestation transhumaniste à Paris, qui était une séance de puçage des gens. Donc vous expliquez qu'en réalité, là, c'est cette nouvelle tendance relève d'une volonté de l'homme de se faire Dieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement cette nouvelle théologie que vous oui, alors... mettez en évidence? Ce n'est pas moi qui le dis exactement, c'est-à-dire que je le dis bien sûr, mais je le dis en reprenant le fondateur, enfin un des pères fondateurs du transhumanisme lui-même, qui est Ray Kurzweil, qui lui-même dit à la fin d'un documentaire qui lui est consacré, dans lequel il est d'ailleurs très mis en valeur, hein, c'est carrément hagiographique comme documentaire, c'est-à-dire qu'il reçoit éloge sur éloge. Et la dernière phrase de ce documentaire prononcé par Ray Kurzweil lui-même, c'est « Alors, Dieu existe-t-il ? Eh bien, pas encore. » Et donc là, on voit bien que le transhumanisme est empreint d'une certaine spiritualité qui consiste non plus à recevoir l'homme comme une créature de Dieu, mais à faire de l'homme un Dieu en devenir, un futur Dieu. L'idée, c'est d'arriver à un homme-Dieu. Je ne pourrais pas tellement dire mieux. Immortel. Immortel, totalement. Oui. Et c'est d'ailleurs ce que représente la couverture hein, de votre livre, illustré par notre camarade Marie. On y voit deux hommes. En fait, c'est la peinture qu'il y a dans la chapelle Sixtine, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et là, elle a substitué Dieu, qui donc fait naître l'homme, en un homme. Donc en fait, on a deux hommes sur votre couverture. Vous l'avez faite avec elle ? Cette couverture, non, elle l'a fait toute seule. Elle a dû lire une bonne partie du bouquin. En tout cas, elle l'a bien compris, c'est le moins qu'on puisse dire. Et effectivement, Dieu est remplacé par Adam, puisque cet homme n'est pas n'importe lequel. C'est le premier, c'est Adam. Sauf qu'ici, Adam ne reçoit pas son existence de Dieu, mais il se crée lui-même à l'image donc, des nouvelles théologies dont nous parlons, dont le transhumanisme. Et qui s'inscrit dans ces nouvelles religions, donc cette religion de l'homme fait Dieu, qui a débuté au 19e siècle et même à la fin du 18e avec le long processus qui a mené à la laïcité. Donc vous appuyez sur de nombreuses citations d'hommes politiques républicains, de Léon Gambetta à Vincent Peillon, en passant par Jules Ferry, et vous concluez « La laïcité à la française apparaît tout à la fois comme un athéisme d'État et une religion d'État. Nous assistons en fait ici à une inversion des pôles profanes et sacrés de notre monde. » Le sacré traditionnel doit rentrer dans la sphère du profane et ce qui relève du profane accéder au rang de sacré. Vous dénoncez là une inversion des valeurs. Tout à fait. Et surtout, je dénonce une hypocrisie. C'est-à-dire que ça n'a pas empêché Vincent Peillon, qui sait très bien et qui le dit dans ses travaux universitaires, il sait très bien que la laïcité, c'est une spiritualité. C'est même lui qui a fait redécouvrir ce pan spirituel de la laïcité par ses travaux, et ça ne l'a pas empêché de publier une charte de la laïcité à placarder dans tous les établissements scolaires, dans lequel il redit que la laïcité est une neutralité, comme s'il ne savait pas que ça n'est pas le cas. Ce n'est pas une neutralité, c'est une religion, c'est une émanation spirituelle d'une religion maçonnique, on peut le dire comme ça. Et donc cette religion de l'homme fait Dieu, c'est aussi concrétisé dans la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Et vous en parlez dans votre livre. Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas envie de parler exactement de la Déclaration de 1948, mais je vous entends parler. Ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser à la Déclaration des droits de l'homme de 1789, à l'occasion duquel il y avait eu un tableau officiel qui avait été peint. Il est très intéressant, ce tableau officiel. Parce que dessus, qu'est-ce qu'on voit ? On voit les droits de l'homme qui sont inscrits sur deux tables de la loi. Il y a donc une référence directe au livre de l'Exode, où Dieu donne à Moïse les 10 commandements sur deux tables de la loi. C'est donc une manière très claire, dès la genèse des droits de l'homme, c'est une manière très claire de nous dire les droits de l'homme, ce sont les nouveaux 10 commandements. Ce sont les nouveaux 10 commandements que Dieu ne donne plus à l'homme, mais que l'homme se donne à lui-même. Ce sont des droits que l'homme se donne à lui-même. Il prend son indépendance par rapport à son créateur. Et c'est la promesse d'un paradis terrestre sans Dieu, en quelque sorte, qu'on retrouve par exemple dans la chanson Imagine de John Lennon, dont vous rappelez les paroles dans votre livre. Et pourtant, le catéchisme de l'Église catholique rappelle... C'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot « enfer ». Oui, tout à fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'a priori, c'est vrai que quand on parle de l'homme qui se fait Dieu, on se dit « ça a l'air très généreux, ça a l'air d'être un projet humain viable, etc. » Mais on se rend compte que dans la pratique, dès que justement on essaie d'incarner cette théologie, on se rend compte que c'est mortifère. Si l'on veut transfigurer l'homme en Dieu, on le défigure de manière quasi systématique. Il y a un exemple qui est très clair, c'est le transsexualisme. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais voilà, là on a un exemple très clair d'une volonté pour certains individus de dépasser leurs limites qui aboutit à une défiguration, malheureusement. On en arrive à un sujet qui est très intéressant dans votre livre, c'est celui du matérialisme, qui est en fait une nouvelle théologie, qui fait partie de ces nouvelles théologies dont vous parlez. Au chapitre 4, après la vérité, je vais vous citer. « N'avez-vous jamais expérimenté la situation suivante ? Vous rêvez pendant des jours, des semaines et des mois d'un produit un peu cher que vous souhaitez acheter. Vous n'avez pas réellement besoin de ce produit, mais la perspective de le posséder vous maintient en tension vers lui. Vous vous voyez en train de le prendre dans le rayon du magasin, de le contempler, de l'utiliser. C'est sûr, un tel objet comblera vos désirs les plus fous. Un matin, vous franchissez le pas, vous vous rendez dans la boutique où vous avez repéré l'objet de vos fantasmes, vous le saisissez de vos mains tremblantes d'émotion et vous vous dirigez vers la caisse. Mais avant même d'être entré chez vous, avant même peut-être d'avoir sorti l'achat de son emballage, un immense désenchantement vous envahit. Ce n'était donc que ça ? Où donc est passé le bonheur qui devait accompagner la jouissance de cet objet pour les siècles des siècles ? Vous vous servez une fois ou l'autre de l'objet en question, puis ce dernier termine au fond d'un placard. Parfois, dans un moment de demi-lucidité, vous vous demandez comment vous avez pu croire que vous pouviez acquérir la béatitude absolue pour 400 euros. Donc en fait, vous expliquez que l'homme investit la matière et les choses d'une mythologie, d'aspiration spirituelle. Totalement, et puis on les retrouve dans la publicité, hein, c'est-à-dire que dans la publicité, on a l'impression d'avoir affaire à des, notamment à des corps glorieux. Là, c'est un certain Fabrice Hadjadj qui dit ça dans un de ses livres, c'est-à-dire des corps totalement délivrés de la pesanteur du caractère mortel de l'homme, tout simplement. Et donc, c'est là que vous rappelez tout au long de votre livre la nature profondément subversive du message chrétien. Vous appelez à outrager ces faux dieux, donc ce matérialisme, ce consumérisme. Vous parlez de consumérisme dans votre livre. Moi, j'ai un ami qui critiquerait ce mot. Ce mot ne veut pas dire ce que vous le croyez qu'il dit. Enfin, et donc, les faux dieux que nous sommes tentés d'adorer. Donc, mais par quels moyens concrets les chrétiens peuvent-ils lutter contre ce système tout entier qui nous amène finalement vers la consommation de masse et vers la société du désir permanent ? Par quelle médiation ? Alors déjà, tout simplement, je dirais en étant authentiquement chrétien. Je ne pense pas qu'en fait il y ait tellement à rajouter des plans ou des projets. Il suffit simplement de suivre l'évangile, de suivre ce qu'il nous dit. Et je pense que spontanément, si on essaie vraiment de vivre en conformité avec ce que nous dit le Christ, on sort de fait de cette nébuleuse consumériste. Bon, peut-être que le terme ne plaît pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Je pense qu'on en sort spontanément, d'une certaine manière. D'accord. Donc je rappelle que le Nouveau Testament est édité chez les éditions Contre-Culture, la traduction de l'abbé Augustin Crampon, qui a servi d'ailleurs pour votre livre. Vous avez utilisé cette traduction. Oui. D'accord. Oui, alors Antoine Martin, donc après avoir déboulonné toutes ces nouvelles spiritualités, qu'il s'agisse de droits de l'homme, de la laïcité, du consumérisme, du matérialisme, mais vous parlez également des innombrables chapelles qui constituent le protestantisme, de la Shoah, vous attaquez aussi à l'Église catholique elle-même et à un événement qui s'est passé en 1962 et qui est le Concile de Vatican II. Alors pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce qu'est le Concile de Vatican II, est-ce que vous pouvez résumer ce qui s'y est fait, ce qui s'y est dit rapidement ? Alors résumer Vatican II en quelques phrases, ça va être difficile. Disons qu'à cette époque, l'Église s'est réunie en session plénière, on pourrait dire ça comme ça, avec des milliers d'évêques, ou des centaines disons. Et la grande idée, c'était que l'Église devait s'ouvrir au monde, devait aller vers le monde pour dialoguer avec lui, pour rendre le message du Christ plus audible. C'était l'idée de départ. Bon, ce qui s'est passé en réalité, selon moi, et selon beaucoup d'autres, c'est qu'on a eu une espèce d'édulcoration du message du Christ, c'est-à-dire que l'Église s'est ralliée au monde dans le pire sens de ce mot, c'est-à-dire elle modernité. A renoncé à la modernité, on peut le dire comme ça, exactement. C'est l'idée que la tradition, pour être vivante, doit être mouvante, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est l'idée que la tradition est quelque chose de par définition mort. La tradition est une transmission, elle est vivante, mais il n'y a pas à la trahir pour qu'elle reste vivante. Elle se suffit à elle-même, il suffit d'y rester fidèle, tout simplement. Donc les conséquences de Vatican II, c'est que le prêtre est devenu, vous rappelez ces propos de Benoît XVI, un animateur liturgique. Et en résumé, c'est la chanson de Georges Brassens, « Tempête dans un bénitier, sans le latin, la messe nous emmerde ». Ça a vidé les églises, ça a dénaturé la forte spiritualité qui émanait des messes. Tout à fait. Et puis c'est vrai que quand vous allez, alors peut-être qu'à Paris on est un petit peu préservé de ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que quand vous allez dans une paroisse de campagne avec un prêtre d'un certain âge, vous avez une espèce d'infantilisation qui est là, une infantilisation d'ailleurs de personnes âgées, hein, parce que c'est vrai que c'est, malheureusement les messes dominicales ça tourne un peu au club du troisième âge, tout simplement parce qu'on n'est pas axé sur le Christ, il s'agit d'être ensemble pour faire Église, c'est le grand mot. Et malheureusement, le Christ n'est pas au centre. Ce qui est au centre, c'est la communauté. Et la messe, au lieu de devenir un lieu de célébration du Christ, devient un lieu de célébration de soi-même. Et c'est là qu'on retombe sur l'anthropocentrisme, c'est-à-dire mettre l'homme au centre au lieu de mettre Dieu au centre. Je reviens juste sur une expression que vous avez employée avec laquelle je ne suis pas d'accord. Je n'attaque pas l'Église. Au contraire, je pense qu'en faisant ce travail-là d'élucidation de Vatican II notamment, je la défends. Je rappelle à nos auditeurs qu'on a un livre qui parle de cette question du Vatican II, un livre de Léon de Poncin, Les Juifs et le Concile Vatican II, édité aux éditions Contre-Culture. Alors il y a une question que vous n'abordez pas ou très peu dans votre livre et qui pourtant me semble centrale sur ce sujet, c'est la question de l'islam en France. Tout à fait. Je n'ai pas parlé de l'islam tout simplement parce que c'est un sujet que je connais très mal. Donc je ne voulais pas trop dire de bêtises là-dessus. Ce que j'ai constaté quand même dans le livre, c'est qu'au moment de la préparation de la loi sur le mariage pour tous, on avait eu quand même un début de mobilisation qui semblait prometteur, où catholiques et musulmans se retrouvaient côte à côte contre le mariage pour tous. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a actuellement une inimitié très forte entre une certaine branche des chrétiens qui ne veulent pas du tout entendre parler de l'islam et d'autres qui comprennent que les musulmans, même si on n'a pas le même Dieu, même si on ne croit pas exactement la même chose, ce sont quand même des alliés objectifs face à la déferlante des religions de l'homme fait Dieu. J'ai perdu le début de ma phrase. Mais c'est pas grave, il me semble qu'il y a des alliés objectifs qui sont actuellement les musulmans contre cette déferlante des théologies de l'homme fait Dieu. Mais est-ce que, en ne venant pas en masse dans les cortèges de la Manif pour tous, les musulmans français n'ont pas loupé une occasion inespérée d'assimilation dans la France, ou du moins de faire des catholiques et de la droite de combat des compagnons de lutte? Il faut les comprendre. C'est-à-dire qu'avec le recul, j'ai un peu plus de distance par rapport à la Manif pour tous, dans le sens où il me semble qu'on est parti sur des mauvaises bases en partant sur des bases anthropocentriques. En gros, on a lutté contre le mariage pour tous au nom des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on a lutté au nom de quelque chose qui participe à l'idéologie de l'homme qui se fait Dieu, au nom d'une autre idéologie de l'homme fait Dieu. Ce qui n'était pas très efficace. À ce niveau-là, rétrospectivement, je trouve que la position de Civitas et d'Alain Escada était beaucoup plus juste. Et je comprends du coup que peut-être les musulmans n'aient pas adhéré à ce mouvement de la Manif pour tous. À cette récupération aussi par des personnalités venues de la télé, venues de la droite républicaine. Aussi, oui, tout à fait. Antoine Martin, alors dans votre livre, vous avez réalisé un tableau où vous démontrez, grâce à ce tableau, l'inversion totale des valeurs dues justement à ces nouvelles théologies dont vous parlez. Par exemple, nous voulons être femmes quand nous sommes hommes. Donc ça, vous dites que c'est le gender, transsexualisme, transhumanisme. Nous voulons être le conjoint ou copain de bidule quand nous sommes celui de machine. Refus de s'engager, divorce. Nous voulons être une famille quand nous n'en sommes pas une. C'est le mariage homosexuel ou l'adoption. Nous voulons être sans enfants quand nous faisons tout pour en avoir. Contraception et avortement. Nous voulons être israéliens quand nous sommes français, par exemple. Cosmopolitisme exacerbé des élites. Nous voulons être blancs quand nous sommes noirs ou inversement, donc ça c'est le syndrome Michael Jackson, vous appelez ça comme ça. Et nous voulons être en contact avec la Terre entière, mais avec personne en particulier. C'est la fragmentation de l'identité en pseudo-électronique. Donc grâce à ce tableau, hein, vous montrez qu'en fait on vit dans une société où les valeurs sont totalement inversées. Et donc votre thèse, c'est de dire que le retour à Dieu et au christianisme aiderait à remettre les gens sur le droit chemin, c'est ça? Tout à fait. Ce qu'on a actuellement, c'est une espèce de nouvelle gnose, c'est-à-dire un très grand mépris, ou du moins une très grande méfiance envers le corps qui est vécu comme une limitation, quelque chose qui constitue notre identité, mais qui nous enferme dans notre identité. Et cet enfermement, il faudrait s'en libérer donc par tout ce que vous venez de citer, hein, le transsexualisme, vous avez redit tout le tableau. Alors Antoine Martin, vous voyez bien que depuis tout à l'heure, je vous pose des questions un peu vagues, mais en réalité, ce que je voudrais savoir, c'est par exemple, moi, je connais un homme qui a fait ce dont vous parlez dans votre livre, c'est-à-dire remettre la spiritualité au centre du débat politique, au cœur de la politique. Concrètement, c'est Hugo Chavez. D'accord. Simplement, Hugo Chavez, il n'a pas fait que ça. Hugo Chavez, c'est un militaire. Et donc, en fait, il a reconnecté ces deux choses qui avaient été séparées volontairement, c'est-à-dire le pouvoir militaire et le pouvoir théologique, enfin la croyance, vous voyez. Et n'est-ce pas justement la réunion, parce que quand on sépare ces deux pouvoirs, c'est l'argent qui prend le pouvoir. Et donc n'est-ce pas justement la réunion de ces deux pouvoirs qui permettrait de réaliser ce que vous appelez de vos voeux, cette insoumission face au faux Dieu. Et un retour au catholicisme politique, un catholicisme de combat. C'est-à-dire que votre livre, en fait, parle d'un aspect qui est très important, qui est celui de la croyance, mais pas de cet autre aspect. Et donc, en fait, peut-être manque-t-il justement cette connexion. Qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, c'est peut-être quelque chose qui manque. Je n'ai pas la fibre très politique. Alors, il y a la question des moyens qui se pose. S'agit-il à ce moment-là de donner des armes aux chrétiens ? Ou s'agit-il de christianiser le politique et le militaire ? Vous voyez dans quel sens faut-il le faire ? Peut-être faut-il faire les deux, ou au moins y réfléchir, ou au moins justement parler de cet aspect concret des choses, vous voyez ? Et ne pas rester uniquement dans le débat théologique. C'est peut-être ça qu'on peut reprocher aux chrétiens, à la communauté chrétienne de France. C'est peut-être effectivement un écueil qui est le nôtre. Il me semble effectivement, oui, qu'il y a une christianisation du politique qui doit être faite. Après, il faut bien se souvenir que jamais un régime politique ne sera l'incarnation ultime et définitive du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ça reste par-delà la mort, par-delà la fin du monde même, j'ai envie de dire. Mais effectivement, il y a sûrement quelque chose à faire à ce niveau-là. Et il y a quelques années... L'Église nous a livré, notamment, je crois, sous l'autorité du cardinal Ratzinger, le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Et ça, c'est un élément qu'on doit redécouvrir. Alors justement, quel regard portez-vous sur le leadership, comme dirait Nicolas Sarkozy, dans l'Église catholique, c'est-à-dire le pontificat du pape François ? Alors, comme beaucoup de catholiques actuellement, je suis assez gêné et embarrassé par François, notamment par sa communication. C'est notamment un des premiers papes qui s'affiche avec des couples homosexuels, voire transsexuels. Bien sûr, il faut accueillir tout le monde, bien sûr, il faut aimer son prochain, mais quel est le message qu'il veut transmettre en faisant cela ? Il y a une ambiguïté qui demeure au fil de ses interventions, une ambiguïté qu'on retrouve par exemple d'ailleurs dans ses interviews. Récemment, il a déclaré, ou il aurait déclaré à un certain journaliste qui s'appelle Scalfari, qu'il allait accorder la communion aux divorcés mariés. Alors, je ne vais pas être trop technique, mais en gros, ça revient à nier l'indissolubilité du mariage chrétien. À l'issue du synode pour la famille, sur la voilà. Famille. Voilà. Alors, le monsieur communication du Vatican, le père Lombardi, a tout de suite démenti en disant que ce journaliste Scalfari, donc, qui disait retransmettre les propos du pape, n'était pas fiable. Mais on peut se demander pourquoi le pape continue à s'adresser et à accorder des entretiens particuliers à ce monsieur qui, soi-disant, déforme systématiquement les propos du pape. Ce qui me gêne beaucoup avec François, c'est qu'il y a une ambiguïté qui semble... cultiver, ça me fait de la peine à le dire, on n'est jamais à l'aise pour critiquer le pape, mais c'est ça. Est-ce qu'à la manière de Jean-Paul II, il n'est pas une icône mondialiste au même titre que Lady Gaga, Brad Pitt, Sean Penn et tout un panel de personnages un peu droit de l'homiste? Finalement, est-ce que c'est pas le pape qui plaît aux gens qui ne sont pas catholiques ? C'est une excellente question et c'est vrai qu'on peut se la poser. Il y a quelque chose qui est assez étonnant aussi pour quelqu'un qui est censé transmettre le message du Christ, qui, comme je le dis dans mon livre, n'est pas venu apporter la paix mais le glaive. Ce qui est assez curieux quand même, c'est qu'il est constamment encensé par la presse. Vous allez par exemple sur le site de Golias, c'est de la presse catholiques de gauche, et ils sont assez gentils avec François. Ils ne l'étaient pas avec ses prédécesseurs. Et là, il y a vraiment des questions à se poser sur le fond. C'est-à-dire, est-ce que l'Église de François prétend rester fidèle ou pas au message du Christ ? Et sans même parler de Goliath, toute la presse, y compris la presse de gauche, Libération, c'est le pape François, le bon pape François, alors qu'on se rappelle des caricatures dont cette même presse avait affublé son prédécesseur Benoît XVI, qui était appelé Ratzinger pour bien rappeler son côté allemand, dont on rappelait sans arrêt son passé dans les jeunesses hitlériennes, alors que par définition, il n'avait pas du tout de prise sur son enfance. Pourquoi ? Parce qu'il était un pape qui avait tendu une main à des branches plus traditionnelles de l'Église. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que pour comprendre peut-être la situation d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr à 100% de ce que je vais dire, mais justement, vous parlez de Benoît XVI, et je crois qu'il faut revenir à un événement sur lequel on est trop vite passé, qui est la démission de Benoît XVI. C'est-à-dire que, comme en a parlé Pierre Jovanovic, et vous, à AER, vous en êtes fait l'écho, la démission de Benoît XVI arrive dans des circonstances extrêmement curieuses, et on peut douter du fait que Benoît XVI ait démissionné de manière libre. C'est-à-dire que, si je peux rappeler la chronologie, le Vatican se voit interdit, se voit suspendu de transactions bancaires à partir du 1er janvier 2013. Le 11 février 2013, Benoît XVI annonce au monde entier sa démission. Et le lendemain, le 12 février 2013, comme par magie, les transactions électroniques sont à nouveau autorisées au Vatican. Donc là, on peut se demander s'il n'y a pas effectivement un lien de cause à effet. Et ce que je raconte là, hein, c'est factuel, on peut le vérifier. Alors, tout le monde a vu la démission de Benoît XVI, mais des journaux aussi ont rapporté cette suspension des paiements électroniques au Vatican qui était annulé le lendemain donc de l'annonce de cette démission. Ça aussi, c'est dans des journaux. Curieusement, d'ailleurs, les journaux qui sont très forts pour repérer des complots qui se trameraient dans les couloirs obscurs du Vatican, personne n'a fait le lien entre ces deux informations. C'est assez curieux. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que la démission d'un pape et l'élection d'un pape, ce sont des choses qui se font selon des règles. Ces règles, elles sont édictées dans quelque chose qui s'appelle le code de droit canonique, que vous pouvez lire sur le site du Vatican. Dans ce code de droit canonique, vous avez ce qu'on appelle un canon, qui est le canon 332. Ce canon 332, il vous parle de la manière dont on élit un pape et dont la manière dont un pape peut éventuellement démissionner. Paragraphe 1, élection du pape. Paragraphe 2, donc démission du pape. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'au paragraphe 2, on nous dit bien, pour qu'une démission soit valide de la part d'un pape, il faut qu'elle soit libre. Et là, on peut se demander justement si cette démission est libre. Et il y a même des évêques qui se posent la question actuellement. C'est-à-dire que vous avez un certain monseigneur Yann Pavel Lenga, un évêque du Kazakhstan, qui a publié le 1er janvier dernier une lettre ouverte dans laquelle il dit « Il est difficile de croire que Benoît XVI est démissionné de manière libre. » La question qu'il faut se poser, c'est par rapport à la suite. C'est-à-dire que le paragraphe 1 de ce fameux canon 332, il parle, lui, de l'élection. L'élection du pape, elle se passe normalement, elle doit être légitime, c'est le mot qui est employé. Est-ce qu'une élection, est-ce qu'on peut élire un pape quand un autre est encore en place ? Non, a priori, non, cette élection n'est pas légitime. Donc si on recolle un peu les morceaux de ce raisonnement que je suis en train d'essayer de faire devant vous, si Benoît XVI n'a pas démissionné librement, ça veut dire que sa démission n'est pas valide. Ça veut dire qu'il est encore pape. S'il est encore pape, ça veut dire que l'élection de son successeur n'est pas légitime. Ce qui voudrait dire que Bergoglio, le cardinal Bergoglio, n'est pas le pape, mais est un antipape. Je n'ai pas de certitude absolue là-dessus, mais je ne vois pas trop où est la faille dans mon raisonnement. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Ça me rassurerait beaucoup de savoir que je me trompe. Et ça rejoint dont nous parlions tout à l'heure, donc de l'homme, cette religion de l'homme fait Dieu, où on a vu un harcèlement médiatique justement qui a frappé Benoît XVI avec des scandales périphériques, c'est-à-dire le scandale autour du révisionnisme avec Mgr Williamson, les scandales de pédophilie dans l'Église catholique qui ont émaillé le pontificat de Benoît XVI et qui soudainement se sont arrêtés avec le pape François. Donc c'est la soumission, c'est disons la fin d'un réveil de l'Église, puisque l'Église, comme vous l'expliquez tout à l'heure, est soumise depuis Vatican II à cette religion de l'homme fait Dieu. Tout à fait. Je voudrais juste rajouter une étape à mon raisonnement. Il est évident que si le pape François n'est pas le pape, mais un antipape placé par les élites mondialistes sur le trône de Pierre, il est évident qu'il n'est pas là pour faire du bien à l'Église, mais plutôt pour détruire ce qui peut rester à détruire. Je le dis encore une fois, je n'ai pas de certitude là-dessus, et d'ailleurs, il n'appartiendrait pas à un laïc de déclarer François est effectivement pape ou pas. Ce que j'espère, c'est que des évêques, des cardinaux, des membres de ce qu'on appelle l'Église enseignante vont se pencher sérieusement sur la question. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas retenir de tout ça vous connaissez peut-être Henri Guim et ses émissions. J'en ai entendu parler. Voilà, il en a fait une très intéressante sur l'histoire du Christ. Et en fait, il dit que ce qu'il y a de plus important à retenir dans son message, c'est dans l'évangile de Luc, c'est « Le royaume de Dieu est en vous ». Et par là, il entend dire aux chrétiens que finalement, toutes les contingences matérielles liées à l'Église ne sont pas importantes. Le plus important, c'est de garder la foi et le message du Christ et d'appliquer le message du Christ dans sa vie. Est-ce que vous êtes de cette obédience ou est-ce que vous êtes attaché malgré tout à l'incarnation temporelle de... Bah, disons que l'Église est là normalement pour nous aider à vivre le message du Christ et notamment à vivre même de la vie de Dieu par les sacrements. Il y a une formule très belle de Bossuet qui dit « L'Église catholique, c'est Jésus-Christ répandu à travers le monde ». Je serais plutôt de cette obédience-là. Il y a Jeanne d'Arc aussi qui disait... il m'est avis que du Christ et de l'Église, c'est tout un. C'est-à-dire que l'Église est indissociable du Christ. L'Église n'est pas simplement une institution chargée de gérer un héritage. L'Église, normalement, doit vivre de la vie même du Christ, sinon elle ne vit pas. Alors pour conclure, je voudrais aborder un sujet, donc... C'est ne pas trahir un secret de dire que vous êtes dans l'éducation nationale, vous êtes agrégé de lettres classiques, vous êtes enseignant en lycée. Et un passage m'a beaucoup plu, je dois dire, dans votre ouvrage. C'est un passage où vous revenez sur la philosophie de Roland Barthes et vous dites, comme Nietzsche avait annoncé la mort de Dieu, Barthes a annoncé la mort des auteurs en laissant justement la place au lecteur d'interpréter le texte un peu à la manière de ce qui se fait dans l'art dit contemporain comme La Fontaine de Marcel Duchamp qui est en réalité Pissotière. Et donc vous revenez, et là on sent vos études de lettres, et vous expliquez, cet engouement dans l'étude des lettres modernes pour les interprétations à n'en plus finir a naturellement porté au nu les textes en se prêtant plus volontiers à ce type de lecture. Dans les milieux universitaires, on encense désormais les livres à la signification vague, indéfinie. L'ironie, le second degré, la polyphonie, tout ce qui rend possible une lecture plurielle, polysémique, se voit élevé au rang de chef-d'œuvre littéraire. A l'inverse, les textes porteurs d'un message clair sont mis au rebut sous l'appellation de textes univoques, œuvres à message, ou littérature de patronage. Les auteurs eux-mêmes se complaisent parfois dans ce flou artistique et s'ingénient volontiers à brouiller les pistes, ainsi qu'en témoigne le genre récent de l'autofiction, où souvenirs autobiographiques et événements fictionnels se mélangent sans que l'on puisse distinguer le faux du vrai. Alors là, on sent que vous avez souffert pendant vos études. Oui, effectivement. Bah, j'ai aussi une licence de lettres modernes, donc j'ai eu aussi à passer par là. C'est quelque chose qui est très présent dans les études de lettres modernes, effectivement, cette espèce d'engouement pour les textes qui veulent potentiellement tout dire et qui veulent tellement tout le dire qu'ils, en fait, ne veulent rien dire, en fait. Est-ce que ce questionnement sur les textes, cette interprétation, ce serait pas, en quelque sorte, du talmudisme appliqué à Victor Hugo, à Balzac Pourquoi pas. Disons que peut-être que c'est une nouvelle manière de, enfin, c'est une manière de considérer cette littérature, cette nouvelle littérature, comme de nouveaux textes sacrés qui auraient une signification infinie. En fait, là où l'arnaque se trouve, c'est que la signification de ces textes n'est pas infinie, elle est indéfinie. Et sinon, quel regard portez-vous sur l'éducation nationale ? On parle beaucoup ces derniers temps de Najat Vallaud-Belkacem, de la refonte des programmes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces sujets-là ? Vous savez, je trouve qu'entre alternance de droite et de gauche, il y a peut-être des accélérations qui se font plus dans un mauvais sens sous un gouvernement de gauche, mais j'ai l'impression que c'est quand même un processus de destruction qui est à l'œuvre depuis longtemps. Et là, effectivement, il y a une étape qui est franchie, mais ce n'est pas la première et il y en aura d'autres. Est-ce que vous avez, on parle souvent du corps enseignant acquis à la gauche, comment vous voyez cet aspect-là des choses avec vos collègues ? Est-ce que vous voyez un réveil ? Puisque après tout, on pourrait se dire, les enseignants ont été les premiers confrontés à la mondialisation, les premiers à voir arriver l'immigration dans leur classe, et pourtant, ce sont ceux qui sont le plus attachés au système de domination. Ils fournissent le gros de l'électorat du Parti Socialiste, etc. Ils sont syndiqués à gauche, ils font marcher le théâtre subventionné, toute cette machine-là. Est-ce que vous voyez un réveil dans votre profession ? Absolument pas. C'est-à-dire que seuls osent parler de leur conviction les enseignants qui sont de gauche. C'est-à-dire que dans l'établissement, quand il y a une discussion politique, c'est toujours entre deux socialistes. Et donc, les autres, on ne sait pas ce qu'ils pensent. C'est très dur aussi d'avoir une cartographie exacte de ce que pensent les gens de l'éducation nationale, puisque justement, ce milieu est officiellement acquis à la gauche, ce qui fait qu'il y a ceux qui parlent et puis ceux qui se taisent. Mais malgré tout, dans votre livre, vous parlez quand même d'un espoir. Vous dites à la fin du livre qu'un vent nouveau se lève. Comment se caractérise-t-il, selon vous, ce vent nouveau ? Je parlais de ça à propos notamment donc, de tout ce qu'on avait eu sur le mariage pour tous. C'est vrai que là, on avait obtenu quelque chose en termes de mobilisation. Bon, il se peut que malgré tout, l'enthousiasme, la mobilisation soit malheureusement un peu retombée depuis. Peut-être qu'il y a quand même une vigilance accrue de la part des catholiques, notamment sur les questions sociétales. Puis on a quand même beaucoup de conversions au traditionnalisme en ce moment. Ça ne relève pas justement, selon vous, de ce vent nouveau dont vous parlez ? Alors, je n'avais pas ça en tête et c'est vrai que je connaissais pas ces données, mais effectivement oui, ça relève du vent nouveau s'il y a des conversions au traditionnalisme, j'en suis... Notamment chez les jeunes. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui se fait discrètement, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est une immense espérance, effectivement. Antoine Martin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que votre ouvrage « Le chant dans la fournaise » est disponible sur le site contreculture.com. Alors, c'est un livre de 135 pages, un très beau livre, je dois le dire, qu'on lit d'une traite parce qu'il est vraiment passionnant. Il coûte 12 euros et avec une illustration de notre camarade Marie dont nous avons parlé tout à l'heure, très belle illustration. Xavier, nous retrouvons la semaine prochaine pour une émission un peu spéciale. Nous serons avec Alain Soral. Nous décrypterons ensemble la manifestation de la dignité organisée par le PIR où l'équipe de RTV s'est faite agresser. Donc nous reviendrons sur l'argumentaire de l'extrême gauche et leur méthode. Vous avez vu la vidéo, Antoine Martin ? J'ai vu passer l'article, je n'ai pas pris le temps de regarder la vidéo. Mais je crois que vous avez eu à souffrir un petit peu. Oui, ils ne sont pas réellement inspirés par le message du Christ, à mon avis. Il leur manque encore un peu de spiritualité. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes du pianiste Stéphane Blais, qui joue ici la sonate numéro 14, dite « Au clair de lune » de Ludwig von Beethoven, disponible en téléchargement sur contreculture.com. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Thank you.